Je veux bien. Alors, merci de me donner la parole. Je ne suis pas le fils du ministre, donc c'est Marin Dacos. Et le ministre s'appelle Monsieur Darkos. Donc, à la fois pour des raisons politiques et d'honnêteté, je préfère me dissocier de ce personnage. Alors, avant que j'oublie, je n'aurai pas le temps en 20 minutes de vous parler de Revue.org et des enjeux de l'édition électronique. On me demande de vous parler de Revue.org à travers des enjeux, donc je vais un peu tout bâcler. Donc, pour l'aspect représentant de commerce, je parle 2 secondes de Revue.org. Vous avez ici un guide, un catalogue de Revue.org qui est là, qui est à votre disposition, qui est gratuit. Et à côté, il y a des guides qui sont à destination des utilisateurs. S'il n'y en a pas assez, on pourra vous en envoyer. Vous pouvez nous demander qu'on vous en envoie. On a aussi des affiches que vous pouvez mettre dans vos laboratoires ou dans vos bibliothèques. Voilà. De façon à ce que l'information soit la plus complète possible. Alors, on me demande de préciser l'origine du projet Revue.org. C'est tout simplement en 1999, donc il y a 10 ans, on va fêter nos 10 ans cette année déjà. C'est le constat que faisait un jeune doctorant que j'étais, impliqué dans 2 revues en sciences humaines et sociales, qu'elles avaient plutôt tendance à croupir dans les cartons des imprimeurs à côté du bureau du rédacteur en chef dans les laboratoires qui les ont produites, plutôt qu'à être diffusées dans les bibliothèques ou sur les étagères des chercheurs qui en avaient besoin. Et encore moins des étudiants qui en avaient besoin. Ayant fondé Revue.org à Avignon, j'avais été frappé quand j'étais en première, en deuxième année à l'université, de constater qu'on avait 1 cm² par étudiant dans cette bibliothèque, qui a depuis un peu grandi, et on avait presque autant de livres par étudiant dans cette bibliothèque. Et ce n'était pas la faute des bibliothécaires, c'était la faute des moyens que l'État accordait à des petites universités. Et ensuite, quand j'ai passé l'agrégation à la Sorbonne, j'ai découvert qu'il y avait de vraies bibliothèques et qu'on avait accès à des revues et qu'on avait accès à des livres et que ça a changé absolument tout d'un point de vue intellectuel et qu'il y avait donc une inégalité territoriale extrêmement forte et que donc je pouvais se rencontrer grâce à Internet deux préoccupations. La préoccupation d'un rédacteur en chef qui a pour intention de faire lire la production qu'il essaie de valoriser, de mettre en forme, et la préoccupation du lecteur qui soit au centre du monde ou dans sa marge, donc à sa banlieue, ou nationale ou internationale, et qui pourrait avoir envie de découvrir ce que l'État finance et qui, en fait, a du mal à sortir des couloirs de l'université qui les produit. Donc, 2 problématiques en une qui m'ont fait pousser à, au lieu de créer un site pour chacune des revues dans lesquelles j'étais impliqué, à créer un site pour les 2 revues en mettant revue au pluriel et en achetant le nom revue.org en disant si d'autres revues ont le même problème que nous, autant fédérer nos forces et notre visibilité. Nous sommes 2, c'est donc un pluriel et on peut essayer d'aller au-delà. On va fêter la 200e revue adhérente à revue.org dans quelques jours. Je pense qu'on va voter, on va avoir fini de voter cette semaine et qu'on aura atteint le score de 200 revues adhérentes en 10 ans. Ça veut dire 20 revues en moyenne par an en 10 ans, mais en partant de 0 budget et de 0 demande institutionnelle. C'est-à-dire qu'il a été nécessaire d'imposer revue.org à l'institution. L'institution, c'est toutes les tutelles qui ont fait comme si Revue.org n'existait pas, jusqu'à ce qu'elles se disent que Revue.org était incontournable. Et donc, c'est en 2007 seulement qu'un laboratoire a été créé qui s'appelle le Centre pour l'édition électronique ouverte, que je dirige et qui a été créé pour accueillir et développer Revue.org. Jusque-là, Revue.org n'avait pas d'existence légale, pas de budget régulier, pas de personnel, et je dirais que des locaux prêtés par des institutions. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques présidents intelligents, astucieux, opportunistes à Avignon, à l'EHESS et dans d'autres établissements, y compris ensuite au CNRS, qui ont prêté la main et à cette initiative qui vient de nulle part. Enfin, elle ne vient pas complètement de nulle part, elle vient de vous, elle vient de nous, c'est-à-dire elle vient de la communauté des chercheurs. J'aurais préféré parler à la fin de cette journée parce qu'il me semble que ça aurait été intéressant qu'on entende d'abord la préoccupation des chercheurs et que nous, on vous propose les réponses que Daniel Charnet, nous, Percé et Kiern peuvent proposer, c'est-à-dire en fait la réponse qu'on peut apporter aux chercheurs. Donc j'ai essayé de construire Revue.org comme étant le reflet et le désir en fait de la communauté de la recherche, chercheurs, ingénieurs et documentalistes associés. Alors, 1999, création de Revue.org avec 2 revues et pas de locaux, pas de budget, mais un petit pourcentage sur un petit disque dur d'un petit serveur à l'Université d'Avignon. Avec l'accord du président de ne pas avoir revue.unif-avignon.fr. Ce qui a été le plus long parce que j'ai essayé d'abord à Lyon 2 et j'ai échoué. Donc au bout d'un an, j'ai renoncé et je suis allé à Avignon où j'étais moniteur. Et là, j'ai eu l'oreille d'un président dans une université beaucoup plus petite où les enjeux symboliques étaient moins violents. Et en 2000, juste après, j'ai créé Calenda, le calendrier des sciences sociales, qui est le reflet de Revue Point, le même esprit que Revue Point, mais pour l'actualité scientifique. Alors, vous avez donc là le site du laboratoire. Ici, le site, le blog du laboratoire. Et là, revue.org. Je ne vais pas faire de longues démonstrations parce que je n'ai pas le temps. Et Calenda, le calendrier des sciences sociales, ici. Alors, quels étaient les enjeux et les réponses, les questions qui se sont posées dès le début? En gros, c'est poser une question concernant le modèle d'organisation, indépendamment du fait qu'on avait zéro moyen et zéro reconnaissance. La question, c'était comment est-ce qu'on va faire? Et en fait, maintenant, avec le recul, je constate qu'on avait le choix entre deux modèles qui se retrouvent tous les deux au Canada. Donc, je vais prendre l'exemple du Canada comme modèle archétypal et pour sortir des problèmes franco-français. Vous avez le modèle jacobin, le modèle français en fait, qui est le modèle centralisé, qui a énormément d'avantages parce que c'est le modèle d'une plateforme où la plateforme impose un certain nombre de choses, de règles, mais en professionnalise et normalise un certain nombre de choses. Et c'est le modèle d'érudit.org qui est la plateforme de Montréal. C'est le modèle légitime, classique, qu'on mettrait en place en France. C'est le modèle qu'a essayé de mettre en place le CNRS sous la forme du CENS, feu le CNS. Deuxième autre modèle, le modèle d'OJS, Open Journal System, c'est-à-dire un modèle de l'appropriation tel que nous le pensons, c'est-à-dire en fait l'idée qu'il ne faut pas centraliser et contraindre, mais qu'il faut essaimer et diffuser sous un modèle distribué, celui du réseau. Et donc les gens de PKP, Public Knowledge Project, à Vancouver, sous la direction de John Wilinski, ont développé un logiciel qui s'appelle OJS, Open Journal System, et ont proposé ce logiciel en téléchargement libre. C'est un logiciel libre. Et je peux affirmer qu'il y a plus de 1000 instances de ce logiciel qui tournent dans le monde, peut-être plutôt 2000, c'est-à-dire qu'il y aurait 2000 revues, et 2000 revues dans toutes les disciplines qui utilisent ce logiciel dans le monde, un peu partout. Alors, l'énorme avantage, c'est que c'est là le système de la traînée de poudre, le système de la diffusion et de l'innovation par la base. Et donc, en fait, chaque projet éditorial peut s'approprier l'outil et développer sa politique éditoriale sans avoir à négocier, à gérer avec une plateforme qui est par essence, par nature, lourde. Le résultat, c'est que Erudit a 50 revues et que OJS peut compter 2000 revues dans ses rangs. Donc, on voit bien qu'il y a il y a un effet d'entraînement dû au réseau, dû au système distribué, dû à l'open source. Bon, le problème, c'est qu'en fait, vous connaissez Erudit, vous ne connaissez pas OJS. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de visibilité des 2000 revues que l'OJS permet de mettre en ligne. Et nous, par une forme d'intuition, on a essayé d'inventer un modèle à mi-chemin entre ces deux modèles. Un modèle jacobin et ce que j'appelle en face un modèle libéral. Libéral au sens noble du terme, c'est-à-dire un modèle de liberté. Nous avons essayé de mettre en place un modèle jacobin pour tout ce qui représentait l'architecture technique, c'est-à-dire il est impossible d'imaginer qu'un rédacteur en chef soit capable de gérer de la sécurité PHP, de éviter des injections SQL, de mettre à jour des logiciels, des CMS, etc., ou même de développer des fonctionnalités. Ça n'a pas de sens, il est latiniste de formation, il n'est pas informaticien de formation, il ne faut pas dévoyer les métiers. La logique de la plateforme prévaut aussi pour la centralisation de la visibilité. L'idée de revue.org au pluriel, c'était de dire on est d'abord un portail où vous êtes tous, non, vous n'êtes pas noyés dans le portail, vous êtes, chaque revue a son existence et son identité, mais l'union fait la force en termes de visibilité, et ça c'est facile à démontrer, évidemment, à l'échelle du réseau. À l'inverse, on a essayé de miser sur le modèle de type OJS, de type libéral, en disant ce n'est pas nous qui allons vous mettre en ligne. On va faire énormément de choses, on va faire 90% du travail technologique. Et vous allez faire votre métier d'éditeur électronique avec nous. Et donc, on va vous former un logiciel qu'on va construire pour vous. Donc, on n'a pas utilisé l'OJS. À l'époque, l'OJS n'existait pas et il n'est toujours d'ailleurs pas adapté à nos besoins. Mais on a inventé un logiciel qui s'appelle l'ODEL. Alors, pour nous, c'est un peu compliqué parce qu'inventer un logiciel, ce n'est pas très amusant. C'est très lourd, c'est très cher. Et ça nous empêche de faire de l'édition. Mais par contre, on l'a inventé avec et pour les revues. Et donc, la sanction, c'est que on forme les revues gratuitement à ce logiciel, et si au bout de 2 jours de formation, elles ne savent pas s'en servir, notre plateforme échoue. Donc on était obligé de faire un logiciel qui est facile d'utilisation. Par conséquent, c'est le logiciel des revues, c'est pas le nôtre. Le Dell logiciel d'édition électronique est aussi un logiciel libre, donc on l'a centralisé dans notre plateforme en y apportant un certain nombre de valeurs ajoutées, mais un certain nombre de gens l'ont utilisé aussi à l'extérieur pour faire leur propre revue à l'extérieur de revue.org, avec pas l'avantage de la visibilité, mais sans l'inconvénient de la plateforme, parce que vous imaginez bien que la plateforme, il y a aussi des fourches codines dans la logique de la plateforme. On veut une variable mobile bien carrée, on veut une revue qui a au moins deux numéros à nous montrer, il faut faire il y a une expertise scientifique, il y a aussi des contraintes technologiques qu'on impose, il y a des calendriers qui sont les nôtres et qui ne sont pas ceux des revues, etc. Mais l'idée, c'est que les revues peuvent se mettre en ligne elles-mêmes, et que du coup, l'ensemble de l'énergie qu'elles déploient pour se mettre en ligne, c'est elles qui en décident. La première conséquence de ça, c'est que ce n'est pas moi qui dispose du bouton publier pour une revue. Alors, dans une plateforme, quand vous avez un pilotage par la technique, c'est le directeur de la plateforme qui a le bouton publier. Et ça, c'est un abus de pouvoir, de mon point de vue, parce que je ne suis pas l'éditeur de la revue. Donc, l'éditeur de la revue, c'est le rédacteur en chef qui a le bouton publier. Donc, je sais que les articles ou les numéros sont publiés après qu'ils aient été publiés, c'est-à-dire a posteriori. Pas a priori. Évidemment, on a sélectionné les titres, hein, on est bien d'accord. Mais ensuite, les revues sont libres de publier avec leur rythme. Deuxième raison, la quantité. Si la revue veut publier soudain, doubler sa pagination, ça va lui faire le double de travail. Bon, si il faut que ce soit la plateforme qui le fasse pour elle, il va falloir qu'elle le négocie avec la plateforme. Ça me semble problématique. Et puis, le troisième avantage, et il est central, c'est que comme les revues sont impliquées dans l'édition électronique avec nous, comme on les forme et comme on fait des comptes rendus de toutes les formations à la suite des formations et comme on les accompagne en permanence, parce qu'évidemment, elles ne peuvent pas faire ça complètement seules, nous, on a des remontées en permanence et les revues, du coup, infléchissent l'évolution de la plateforme, des fonctionnalités, et elles co-inventent avec nous. Donc, nous, on considère que l'édition électronique, c'est à la fois un métier de plateforme, jacobin, centralisé, et aussi un métier d'éditeur libre, innovant, distribué du côté de l'éditeur. Et que l'introduction de la technologie informatique ne doit pas déposséder les éditeurs, les rédacteurs en chef, les secrétaires de rédaction, d'un média qui est Internet et d'une modalité d'édition qui est l'édition électronique. On va mettre 10, 20, 30, 100 ans à inventer cette modalité. Si on l'invente sans l'éditeur, à mon avis, il y a un problème. Voilà. Alors, ça, c'était le grand enjeu centralisation-décentralisation. Et vous avez compris que nous, on a essayé de faire quelque chose entre les deux. Alors, on place toujours le curseur en permanence entre liberté et structure et entre plateforme et système distribué. Et peut-être que c'est jamais satisfaisant parce que c'est un compromis entre deux modèles, mais c'est une façon de fonctionner qui apporte quand même un certain nombre d'avantages. Alors, la plateforme, elle propose désormais beaucoup plus de choses que seulement revue.org, mais toujours sur le même modèle de l'appropriation par la communauté de l'enseignement et de la recherche. Premier étage de la plateforme, j'ai besoin d'une seconde pour retrouver... le billet, parce que je n'avais pas eu le temps de préparer avant. Premier étage de la plateforme, c'est de se dire qu'il y a un foisonnement, un bouillonnement intellectuel qui a lieu dans les séminaires et qui est en fait contraint par la dimension physique, c'est-à-dire vous êtes présent au séminaire ou vous n'êtes pas présent, et ça change tout. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut faire un séminaire permanent virtuel sous la forme de ce qu'on appelle des carnets de recherche. Il me faut retrouver... vous voyez qu'on publie des choses dans notre blog, en fait, ça fait beaucoup. Vous pouvez lire, c'est à votre destination. On essaie de transférer le plus de compétences possibles par ce moyen-là et d'informations. Donc, l'idée de mettre en place des carnets de recherche, c'est-à-dire des blogs destinés à la recherche et aux chercheurs, pour y provoquer le foisonnement intellectuel qu'il y a dans les séminaires habituellement. C'est ce qu'on a fait à travers la plateforme Hypothèse qui, il y a quelques mois. Alors, j'aurais dû préparer, mais je n'étais pas devant l'écran. Voilà, alors ça, c'est les publicités. La prochaine fois, je mettrai un tag. Mais je peux faire deux choses en même temps. Voilà. L'idée, c'est vous connaissiez revue.org, ici, l'édition électronique, vous connaissiez Calenda, la calendrier scientifique qui est alimenté par les chercheurs eux-mêmes. Hein. Nous validons seulement, mais c'est à eux et à vous d'alimenter ce calendrier. On arrive bientôt à 10 000 événements scientifiques, programme, à chaque fois avec un programme complet. On a ajouté des étages à la fusée, l'étage hypothèse, donc les carnets de recherche, qui sont en fait l'endroit où on teste ces hypothèses, où on les jette en pâture au public et où on espère qu'elles auront une fonction heuristique. Je n'entre pas dans les détails, mais un des atouts, c'est qu'il y a possibilité de commentaires, qu'il y a possibilité de préparer un livre sur ce type de plateforme pour y tester des idées. Hein, c'est un peu le gueuloir de Flaubert pour la science. Et que ce n'est pas un flux comme on le fait quand on parle à l'oral, c'est-à-dire que les paroles s'envolent et puis retombent, c'est un stock, c'est-à-dire que dans 10 ans, un chercheur russe va peut-être tomber sur une de vos intuitions ou une de vos remarques qui va servir à quelque chose qui était absolument imprévu. Et on sait bien qu'il y a dans le hasard quelque chose de fondamental et le réseau permet ce hasard, on appelle ça la sérendipité, et c'est absolument fondamental de le favoriser. Hein, c'est la vertu heuristique du numérique et il faut la développer. Le fait que les textes des séminaires ou des contributions très modestes des auteurs soient en ligne et stockés sur hypothèse et va dans ce sens. Deuxième étage, les manuscrits de revue.org qui ne sont pas encore ouverts, qui vont permettre la gestion de ce qu'on appelle le workflow éditorial, c'est-à-dire l'ensemble du suivi d'un manuscrit avant sa publication. C'est-à-dire, je suis un auteur, je soumets dans une interface un article et il y a l'ensemble du processus de peer reviewing qui a lieu en ligne dans un intranet dédié à la revue avec des envois de courriers de réception aux auteurs, des courriers d'état aux auteurs, des envois au conseil scientifique, des envois aux experts avec des allers-retours via cette interface qui permet une équipe internationale, une équipe distribuée, enfin quelque chose qui est plus proche de la réalité que des équipes complètement localisées. Troisième étage de la fusée revue.org que vous connaissez un peu plus, sachant qu'on y ajoute aux revues, on a désormais ajouté les livres de revue.org. Ce sont des collections de livres déposés par des éditeurs. Et on ajoute à ça également désormais des bibliographies. Enfin, on est en train de commencer à insérer la première bibliographie de revue.org, qui est la bibliographie annuelle de l'histoire de France. Qu'un éditeur étranger, disons, voulait récupérer. Le CNRS il met 4 postes pour alimenter cette bibliographie et un éditeur a proposé au CNRS qu'il se dépossède de 25 ans de droits d'auteur sur ces données en échange de leur mise en ligne et de leur exploitation commerciale et en échange l'éditeur donnait 10% de ristourne au CNRS pour acheter sa propre production. Donc quand on m'a dit ça, j'ai dit c'est pas possible, donc on m'a dit madame bingo, c'est toi qui t'en occupes. Bon ben voilà, d'accord, alors ça fait du travail en plus, mais puisqu'on est là-dedans, on va faire la biographie annuelle d'histoire de France et allons-y pour d'autres, puisqu'on est en train de développer une solution qui s'appuie sur une solution libre qui a été inventée par des bibliothèques. Ensuite, Calenda, que vous connaissez. Donc là, je dis en 2 mots le modèle. Les organisateurs d'événements, comme celui-ci, signalent à Calenda s'ils pensent que c'est pertinent l'événement et nous, on valide ou on ne valide pas l'événement. On refuse 10% des annonces qui ne sont pas en réalité d'origine scientifique ou qui ne correspondent pas, par exemple les soutenances de thèse, on ne les met pas. Et on est en train d'ouvrir tout un tas de solutions pour diffuser cette information, non pas seulement sur notre site, mais sur vos sites, en fait, avec des flux RSS, et on va ouvrir aussi une API. Alors, revue.org, c'est une forme de démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée générale des revues tous les ans qui nous permet de sentir le pouls de notre communauté. Hein, notre communauté, c'est les revues. Et ça nous permet, en plus de la formation initiale, de les rencontrer au moins une fois par an. Là où on a, moi je passe aux problématiques perspectives, là où on a des problèmes ou des réflexions à avoir, c'est un, et je vais vous provoquer exprès pour que ça réagisse, si on est en libre accès, alors je pense que pour Daniel Charnay, comme pour moi, c'est la même chose, on n'est pas visible dans les bibliothèques universitaires. Il faut le dire, il faut être payant pour être visible dans les bibliothèques universitaires. Donc, je vous propose de vous adresser une facture dès ce soir, de façon à entrer dans vos systèmes d'information. Alors, je sais bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais la réalité est là. Il y a des formations à nos partenaires et amis de Cairn, dans les principales bibliothèques françaises parce que vous payez Cairn. Il n'y a pas de formation à revue.org parce que vous ne payez pas revue.org. Ou s'il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je ne suis pas en train de vous déclarer la guerre, je suis en train de vous proposer une coopération. Je vous provoque, puis ensuite je vous propose quelque chose. Alors d'abord, on a lancé un stage à l'INTD pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à parler et à communiquer avec les bibliothèques, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas plus d'usage dans les bibliothèques de revue.org. Deuxièmement, on va offrir la possibilité d'avoir des retours statistiques sur les usages dans les campus de nos données, parce qu'on a compris qu'en fait c'était un problème de tutelle, en fait, hein, c'est les chefs qui demandent de justifier les données publiques. Et troisièmement, on va vous ouvrir la possibilité de nous soutenir en mettant en place une cotisation pour les bibliothèques universitaires qu'ils souhaiteront, de façon à ce que vous payiez vraiment. Voilà. Et du coup, on va vous offrir des services spécifiques, des newsletters dédiés à votre établissement et des statistiques de fréquentation dédiées à votre établissement. Voilà. On va mettre en place aussi une politique de formation à destination des bibliothèques universitaires. On le fait en partenariat avec le réseau des URFIS parce que nos forces n'y suffiront pas. Mais voilà, donc c'est une proposition de coopération et c'est une proposition de mise en place d'une citoyenneté de la science, en fait, qui est fondamentale parce que sinon, en fait, les flux financiers vont toujours dans la même direction. Je donne un exemple aussi, c'est la nouvelle version du BiblioSHS qui a été ouverte par l'INIST il y a quelques mois. Formidable nouvelle version, hein, c'est un vrai progrès. Revue.org, qui n'était pas présente dans la première version pendant les 4 premières années, y a été pendant 4-5 mois en page d'accueil sous la forme d'un lien. Et comme nous ne sommes pas achetés par le CNRS, nous avons disparu de BiblioSHS. Hein, je pense que HAL aussi a disparu de BiblioSHS parce que nous ne sommes pas, HAL n'est pas acheté par le CNRS. C'est pas la seule raison. Alors, la raison officielle, c'est que nous ne sommes pas achetés. En fait, nous sommes payés, effectivement, nous ne sommes pas vendus. Et donc, c'est la différence, c'est la rémunération. Nous sommes seulement payés par le CNRS. Moi, je suis l'employé du CNRS. Et comme nous n'avons pas été vendus au CNRS, nous ne sommes pas dans BiblioSHS. Donc, on va peut-être aussi envoyer une facture à Raymond Duval. Et puis, peut-être qu'on va apparaître enfin dans cette formidable forteresse. Alors, autres enjeux qui ne sont pas franco-français là pour le coup, c'est qu'il y a un problème de modèle. J'ai parlé de modèle centralisé, modèle distribué, modèle jacobin et modèle libéral. Il me semble qu'on est en train de voir apparaître des énormes concentrations sur toutes les fonctionnalités du web, le mail et tout un tas d'autres fonctionnalités, le dépôt d'images, le dépôt de vidéos, etc. On voit bien que le système distribué est en train de fléchir et sur la mise en ligne, on est dans la même problématique. Les petits sites ont-ils un avenir? Je n'en sais rien. Et je suis un peu inquiet. Je ne sais pas s'il y aura encore dans 10 ans 10 plateformes d'édition électronique dans le monde ou 100 ou 1000. Je m'interroge sur la bonne taille critique et sur la taille critique qu'on va nous imposer pour être visible. Parce que je peux vous dire que si les 200 revues de revue.org allaient voir Google Scholar pour apparaître dans Google Scholar, ils n'auront même pas de réponse. Nous, on commence à avoir une réponse, mais on nous explique qu'il faut suivre leur format XML qui est brillant. Voilà, donc là, il y a des vrais enjeux. D'autres enjeux, celui de l'innovation intellectuelle, où sera la liberté des acteurs dans les années à venir. Dans le CCSD, dans ce que fait HAL, c'est bien clair, les acteurs déposent, et donc ils sont acteurs. Dans l'édition électronique, est-ce qu'on va maintenir le système cadenassé qui préexistait, c'est-à-dire les éditeurs privés qui ont 200 revues commercialisables, je dirais, et les autres abandonnés à leur sort. Donc nous, on a favorisé la création de revues pour que l'information circule et que l'innovation puisse avoir lieu et que l'écosystème puisse s'aérer, s'oxygéner, que des structures puissent vieillir et éventuellement prendre leur retraite bien méritée, que d'autres puissent prendre la relève. Ça correspond aussi à des évolutions de paradigme. Autre enjeu et d'autres problématiques, la viabilité et le modèle économique pour les revues et pour la plateforme. Pour les revues et pour la plateforme. Pour les revues, nous, on est favorable à l'open access. Je pense que c'est pour ça qu'on a été classé dans la première partie sur les archives ouvertes. Mais vous avez compris qu'il y a une bizarrerie quand même. Je suis entre une présentation des archives ouvertes et une présentation de HAL qui est un dépôt d'archives ouvertes. Mais revue.org n'est pas un dépôt d'archives ouvertes. C'est un portail de revues publiées. Alors, c'est vrai que nous sommes conformes au protocole OAI et que du coup, on pourrait. Voilà, mais il y a une confusion entre archives ouvertes et publications électroniques ouvertes. L'édition électronique ouverte, ce n'est pas la même chose. Donc, je ne suis pas exactement à ma place là, je devrais parler après Marc Minon, par exemple, tout à l'heure. Mais c'est parce que cette confusion vient du fait qu'on est plutôt favorable au libre accès, mais pas complètement fou non plus. Donc, on a mis en place une possibilité de barrière mobile pour les revues et de diffusion commerciale avec Cairn pour 12 de ces revues. Et on va aller dans cette direction. De la même façon, les plateformes sont en cours de professionnalisation parce qu'il y a de plus en plus de métiers. Quand j'ai créé Revue.org avec Netscape Composer et un petit client FTP, j'imaginais pas qu'il y aurait une douzaine de métiers dans Revue.org 10 ans plus tard. Et une douzaine de métiers différents. Et cette professionnalisation, elle est inévitable. C'est-à-dire qu'on doit répondre à des prérequis techniques. Par exemple, il faut que nos sites soient accessibles aux aveugles. C'est une obligation par la loi. Ben, je peux vous dire que pour faire ça, il faut un spécialiste qui fasse de l'intégration. Il faut que nos sites soient interopérables selon tout un tas de normes et de formats. Il faut des spécialistes. La formation scientifique, c'est désormais un pôle chez nous. Bon, il y a tout un tas de choses qui veulent dire que d'abord on se professionnalise et donc il y a des masses critiques de taille d'équipe qui sont en train d'émerger et c'est un problème pour l'innovation parce que du coup on ne pourra plus créer Revue.org aujourd'hui avec Netscape Composer, c'est pas possible. Et deuxièmement, ça veut dire que ça coûte de plus en plus cher et qu'on se demande comment ça va fonctionner à l'avenir avec l'évolution du pilotage par projet. Moi, aujourd'hui, je viens d'être élu pour 3 projets du très grand équipement Adonis. Ça va payer un tiers du budget de Revue.org. Où sont les 2 autres tiers? Je suis en train de les chercher. Je suis en train de les chercher. Donc, les gens, ça fait à peu près, depuis qu'il y a des gens à Revue.org, des employés, c'est-à-dire depuis 2004, tous les ans, je me demande si je vais en licencier et combien je vais en licencier. Par chance, tous les ans, on s'est battu suffisamment, on a été soutenu assez par vous et par les rédacteurs en chef et par une fée bienveillante pour ne avoir à licencier personne et pour pouvoir plutôt recruter que licencier. Mais parfois, des démissions de gens qui partaient au CERN pour gagner davantage ou dans le privé nous ont soulagés parce que ça nous a permis d'avoir une masse salariale moins grande pendant un temps. Enfin bon, c'est un drôle de soulagement. Alors donc, nous, on est en train de réfléchir très sérieusement à des nouveaux modèles économiques. Parce que la gratuité, ce n'est pas un mot, ça veut rien dire. C'est l'open access qu'on utilise comme terme pour dire c'est libre d'accès pour le lecteur, parce que c'est logique. On ne va pas tout mettre ça derrière des forteresses. Mais comment est-ce qu'on finance ce système? Est-ce que c'est le financement purement jacobin de l'État? Et le jour où l'État nous lâche ou dysfonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est l'État, mais par la base, c'est-à-dire en fait les BU, les laboratoires, les revues, les éditeurs privés et publics, en fait, qui donnent une cotisation et qui soutiennent par leur action de base, de terrain, les plateformes, comment est-ce que ça va fonctionner? Moi, je ne sais pas, mais je suis en train d'essayer de réfléchir à une solution qui me permettrait d'éviter de monter 3 programmes européens en même temps que 3 appels à projets Adonis, en même temps que 2 demandes de moyens, CNRS, EHESS, et une demande de moyens à la région PACA qui me la refuse parce que ce n'est pas assez régional. Évidemment, Internet, c'est trop international. Donc, et puis c'est trop cher. Puis ça existe déjà. On me répond que ça existe déjà, ça ne sert à rien de financer un truc qui existe déjà. Enfin, Canada, tous les matins, il y a 2 personnes qui se lèvent et qui travaillent 4 heures tous les matins pour valider vos annonces. Donc, soit ce n'est pas intéressant, il faut le fermer, soit c'est intéressant, il faut le payer. Hein, donc, c'est la première année que nous avons, depuis la fin de l'année 2008, que nous avons un financement dédié venant d'une tutelle pour Canada. Jusqu'à présent, Canada n'existait pas dans le spectre. C'est peut-être l'outil le plus utile que nous mettons en place depuis le début. Il n'y a pas de financement récurrent pour Canada. C'est l'Université d'Avignon, la plus petite université de France, ou quasiment, qui finance désormais Canada à hauteur de 23 000 euros. Moi, je vous donne tous les chiffres si vous voulez. À hauteur de 23 000 euros qu'on n'a toujours pas reçus parce que ça dysfonctionne l'administration. Donc, renvoyer de l'argent d'Avignon à Marseille, c'est trop compliqué, donc on n'a pas l'argent. Mais il nous donne 23 000 euros cette année, c'est-à-dire 3 fois plus que le laboratoire d'histoire de l'Université d'Avignon. Soit dit en passant, le laboratoire d'histoire, enfin bon, la situation n'est pas bonne, mais voilà, 23 000 euros, ça paye 2 tiers d'un salaire. Hein, c'est 34 000 euros un ingénieur d'études en CDD. Donc moi, j'ai 14 CDD et 7 titulaires. C'est une grande victoire. Hein, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait 3 titulaires. Donc vous voyez que ça bouge. Ça bouge dans le bon sens. Mais c'est quand même inquiétant et je trouve que c'est une pression à imposer au personnel qui n'est pas positive. Donc on réfléchit à des solutions diverses, y compris des solutions de cotisation à tous les niveaux, et y compris de PayPal. Donc, je vais m'arrêter parce qu'on me demande. Donc, je vais conclure en vous disant, ne donnez pas de l'argent à Revue.org, mais donnez de l'argent au DOAJ, parce que le DOAJ a le même problème que nous. On vous en a parlé il y a 5 minutes, le Directory of Open Access Journals. C'est financé sur appel à projet, et puis après, ça s'arrête. Et si on veut avoir des répertoires de références comme ça, qui pour nous sont un label de libre accès, on a 25 à 30 revues validées aujourd'hui par DOAJ, ils sont en retard d'une année de validation sur les soumissions. Alors, soit ils sont mauvais, soit ils n'ont pas assez d'argent pour valider assez vite ce qu'on leur soumet. Bon, moi, je pars sur la deuxième hypothèse. Et donc, ils n'ont pas assez d'argent. Et il n'y a qu'une institution française qui leur donne 400 euros, c'est le Cléo, la revue.org. Moi, je vous invite à donner une cotisation de 400 euros à DOAJ. Si 1000 établissements dans le monde, ce qui n'est pas énorme, donnent 400 euros, ce qui n'est pas énorme, ils ont 400 000 euros de budget annuel pour vivre et ils sont autonomes. Et c'est fondamental que cette citoyenneté s'exerce durablement. Et c'est une forme de vote qui a lieu. Et du coup, c'est indestructible. Si cette base-là se met en place, c'est indestructible. Si on s'en fout et qu'on laisse le DOAJ s'effondrer, si la France pense que ça vaut 400 euros le DOAJ, parce que seul le Cléo donne une cotisation, moi, je trouve ça très étrange. Donc, pour Revue.org, on va faire la même chose. On va ouvrir un appel à cotisation. On va ouvrir un compte PayPal. Alors, autant vous dire que c'est compliqué avec l'administration. Mais on va y arriver pour que les citoyens chercheurs eux-mêmes puissent nous donner un soutien comme ils en ont donné à Wikipédia. Et on verra bien ce que ça donne. Et on va le combiner avec des soutiens publics récurrents, avec des postes qu'on essaie d'arracher les uns après les autres et, qu'on essaie de, et des compétences qu'on essaie de stabiliser. J'ai fini. Merci beaucoup à Marin Dacos. Je vais proposer maintenant à Daniel Charnet de prendre la parole. Daniel Charnet, directeur du CCSD, directeur adjoint, pardon, du Centre de communication scientifique directe du CNRS.